الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن ربكم خلق ابن آدم معرضا للخطيئات ومعرضا للتقصير في الواجبات، فضاعف له الحسنات ولم يضاعف عليه السيئات. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. الحديث رواه البخاري. فشرع الله لكسب الحسنات طرقا للخيرات، وفرائض مكفرات للسيئات رافعات للدرجات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. أيها المسلمون، تذكروا سعة رحمة الله وعظيم فضله وعلمه وجوده وكرمه، واشكروا نعم الله عليكم بطلب رضوانه وملازمة طاعته والبعد عن معصيته. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. ثم أما بعد، serviteur d'Allah, certes votre Seigneur a créé le fils d'Adam et il a décrété subhanahu wa ta'ala qu'il sera amené à commettre des erreurs, des fautes, des péchés. Et il sera amené aussi à être négligent. Il aura des faiblesses et des manquements à ses devoirs. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala va lui multiplier les bonnes actions. Les bonnes actions seront multipliées et Allah ne multipliera pas les mauvaises actions. Ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal, qu'une bonne action sera multipliée de plusieurs fois la récompense, alors que la mauvaise action, elle ne sera comptée qu'une seule fois. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, celui qui vient avec une bonne action, il aura 10 fois le semblable de cette action, c'est-à-dire en récompense. Et celui qui vient avec une mauvaise action, il ne sera rétribué que par sa semblable, c'est-à-dire une seule fois. Et ils ne seront pas lésés. Et d'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, Allah a écrit les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres, les bonnes actions et les mauvaises actions. Celui qui aura la volonté, l'envie d'accomplir une bonne action, puis ne l'a pas accomplie, elle lui sera quand même écrite comme une bonne récompense complète. Et celui qui a la volonté de l'accomplir, puis l'a accompli, il a fini par l'accomplir, alors elle sera écrite auprès d'Allah pour 10 récompenses jusqu'à 700 et bien plus. Et s'il a la volonté, l'envie de commettre une mauvaise action, un péché, et il ne l'a pas commis, il lui sera écrit une bonne récompense complète. Et s'il vient à la commettre, à commettre cette mauvaise action, alors elle sera écrite auprès d'Allah une seule mauvaise action, rapportée par Al-Bukhari. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré plein de moyens pour gagner les bonnes actions et les récompenses. Et il nous a décrété des devoirs, des ordres divins qui sont au même moment de les accomplir des moyens d'effacer, d'expier les mauvaises œuvres et qui élèvent en degré. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les 5 prières, c'est-à-dire une prière après l'autre, d'un vendredi à un vendredi, d'un ramadan à un ramadan, il y a là-dedans l'expiation, l'effacement des péchés qu'il y a entre les deux, tant que ce ne sont pas des grands péchés qui sont commis. Rapporté par Muslim, car pour les grands péchés, il faut en demander le pardon à Allah Azza wa Jal et de demander à Allah de l'effacer. Et il est rapporté dans un hadith, d'après le compagnon, l'honorable compagnon Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, qui dit, j'ai dit au messager d'Allah, vois-tu si je faiblis dans l'accomplissement des œuvres? C'est-à-dire qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelles sont les meilleures œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il lui a cité certaines œuvres. Et à la fin, Abu Dharr dit, au messager d'Allah, vois-tu si je faiblis, si je n'accomplis pas ces œuvres-là, ces bonnes œuvres-là? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu te retiens de faire du mal à quiconque. Tu retiens ton mal de toute personne. En agissant ainsi, le fait de ne pas faire du mal aux gens, cela sera écrit pour toi comme une bonne action. C'est une aumône que tu fais pour ta propre personne, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Chers musulmans, rappelez-vous la grandeur de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et les grands bienfaits sur vous, sa compassion, sa générosité et sa bonté envers vous. Remerciez, soyez reconnaissants vis-à-vis des bienfaits d'Allah sur vous en demandant sa satisfaction, en étant constamment dans son obéissance et en s'éloignant de sa désobéissance. Allahumma ahdinak ila dinika al-jamila, Allahumma aghfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحب وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله.